une histoire particulière. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, une histoire particulière commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Et hier, Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck nous racontaient l'histoire incroyable de la Grande Guerre du camouflage. Incroyable d'imaginer des Parisiens découvrant les avions survolant Paris pour la première fois, alors que nous sommes tellement habitués à eux aujourd'hui. Imaginez les premiers avions allemands, les Gotha, de ce qu'ils pouvaient faire comme dégâts. À partir de 1917, il faut s'organiser. La défense anti-aérienne française se développe elle aussi. Et les avions ennemis bombardent désormais la nuit, guidés par la seule lueur de la lune. C'est dans ce contexte que l'état-major français va chercher à plonger Paris dans le noir et déplacer la ville de quelques kilomètres. Soit une réplique de Paris, un faux Paris. Tout de suite, retour sur les maîtres de la dissimulation. Et alors vous, pratiquement, vous avez été donc fantassin et vous avez quitté tout de même l'infanterie, oui, je crois, à la fin de la guerre pour aller dans un corps tout nouveau. Après ça, on m'avait harcé au camouflage. Qui avez-vous retrouvé? Alors, il y avait à la tête de ça, il y avait Forain. La section de camouflage fait intervenir en fait des artistes pris comme tels, c'est-à-dire comme des créateurs en fait au service de la guerre, c'est-à-dire que l'art devient utilitaire dans la guerre et que ce soit l'art académique ou l'art moderne. Ces artistes peuvent être utilisés afin de créer en fait deux types d'objets, des objets qui permettent de cacher des morceaux de paysage et des leurres qui permettent de tromper l'ennemi. Et puis alors il y avait beaucoup de décorateurs de théâtre. Il y avait Ronsin, il y avait un ami Mouveau qui faisait, qui avait du talent et qui était à l'opéra. C'est lui qui a trouvé le principe du raffia. Le raffia est pour imiter l'herbe. Était de l'herbe teinte en vert et mise sur du treillage et qu'on mettait au-dessus des batteries ou des observatoires, oui, et qui en photo d'avion donnait absolument la matière de l'herbe. Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne passiez pas votre temps à peindre du raffia? Oh non, non, nous, je le posais, moi. Oui. Et je faisais beaucoup d'arbres observatoires et c'était ma spécialité. On va peindre les bateaux, on peut peindre les trains qui transportent les canons à longue portée, les camions de transport de troupes ou de matériel. Et j'ai fait des monuments aux morts, j'ai fait des piliers d'église. Et on va faire ça très très largement pendant toute la guerre. Mais c'est cette petite équipe de départ qui a toutes ces idées. C'est ça qui a formé tout un groupe d'observatoires d'artillerie extrêmement utiles, dont l'envoisinage presque immédiat de l'ennemi, quelquefois moins de 50 mètres, qui permettait une observation directe et très proche et de régler les tirs d'artillerie à quelques mètres près même. La Grande Guerre du camouflage. Deuxième épisode, les artistes, ces maîtres de la dissimulation. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. On a tous en tête l'image de nos soldats en 1914 qui partaient en gants blancs et pantalons rouges au front. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que ces gens-là n'étaient pas camouflés? Il faut être voyant, c'est vrai, parce que jusqu'à cette époque, et on le voit bien à travers l'exemple napoléonien, les nombreuses reproductions qu'on a des conflits napoléoniens, où on voit l'empereur avec sa longue vue qui observe la bataille, et derrière lui, un tas d'officiers de liaison à qui il est prêt à donner des ordres pour faire évoluer le cours de la bataille. Pourquoi? Parce qu'il voit. Il voit quoi? Il voit ses unités. Il voit ses unités à travers la couleur qu'elles ont, et il peut les identifier. Et donc donner des ordres en conséquence. Donc cette espèce de vision par la couleur est un outil tactique, en fait. Et puis j'allais dire, quelque part culturellement, le soldat ne se cache pas. Et ce côté se cacher, effectivement, relève d'une certaine, sinon couardise, du moins n'est pas digne de ce que doit être le combat, avec cette notion encore chevaleresque qui pouvait exister en 1914 et qui, il faut bien le dire, en 1918 a singulièrement évolué. Thomas Seignot. En 1911, les armées ont testé une tenue qui s'appelait tenue Reseda. Et on constate qu'effectivement, le soldat est moins visible. Et puis d'ailleurs, si on le fait en 1911, c'est parce que l'armée anglaise a déjà adopté une tenue dite kaki. L'armée allemande, en 1907, est passée sur le Feldgrau. Donc on se pose des questions aussi dans l'armée française. Et on arrive à cet essai, en 1911. Mais très vite, le problème dépasse les armées. Et il y a même un rapport d'un député, le député Clémentel, qui dit, entre autres, au-delà des aspects purement financiers que représenterait un changement de tenue totale des armées françaises, qui dit entre autres, et je cite, hein, « Il ne faut pas apprendre à se cacher à un soldat auquel l'amour-propre, le désir de paraître et de se distinguer font accomplir des prodiges. » Voilà ce que l'on dit en 1912, lorsqu'on parle de camoufler un soldat. On parle de se cacher. C'est pas acceptable, et pas seulement pour des raisons financières, parce que le pantalon rouge, c'est la France. Lorsqu'un officier français demande à Picasso de quelle couleur il faudrait habiller les soldats français afin de les rendre invisibles, il répond « en arlequin ». On connaît l'imagination du peintre cubiste, qui avait toutefois compris qu'il suffisait de morceler la silhouette pour la détruire et intégrer un objet à son environnement. Les animaux, vêtus de taches ou de rayures, l'ont bien compris. Zèbres, tigres, panthères, girafes, sans parler des caméléons et des poissons qui possèdent tous l'art de se fondre dans le décor. Posez un turbo sur un fond en forme de damier et vous le verrez bientôt s'habiller de taches noires et blanches. Va pour les bêtes, mais se cacher dans l'armée? Est-il possible d'adopter la posture des faibles, la stratégie des lâches? Ils ont mis au service hein, l'art au service de la guerre. Claire Mengon. Ça ne veut pas dire que ces artistes étaient forcément militaristes ou qu'ils avaient envie de tuer des ennemis. Simplement, ils faisaient leur devoir, hein, et cette notion de patriotisme et d'acculturation patriotique, c'est quelque chose qui nous échappe un petit peu aujourd'hui. C'est plus tellement en phase avec notre culture actuelle. Mais pendant la guerre de 14-18, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Sur le front, oui. Dans les mauvais secteurs, il y avait trois arbres sur quatre qui étaient décapités. André Dunoyer de Ségonzac. C'était un peu un tuyau de poil, ces arbres. 1972. À vue directe, on en a mis très près. Moi, j'en ai mis à 150 mètres des Allemands. Et on voyait alors dans les... Mais vous alliez vous-même à 150 mètres des Allemands quand on les posait? On les posait la nuit. Il y a tout à fait un démarrage à tout ça. Cécile Coutin. Il y a un artiste de facture classique qui est assez mondain, qui est parisien, qui s'appelle Lucien Victor Guirand de Sévola, qui se trouve mobilisé pendant la Grande Guerre. Au début de la guerre, il est maître pointeur d'une batterie d'artillerie au fort de Dongermain près de Toul. Et il est très embarrassé parce que il y a une nouveauté dans la guerre qu'on n'avait jamais connue dans aucune guerre précédemment, c'est l'utilisation de l'avion. Et tous les jours, un avion survole sa position, un avion allemand survole sa position. Le pilote, comme tous les pilotes de l'époque, n'a aucun appareil de navigation ni de communication. Il ne peut pas téléphoner, donc il est obligé, une fois qu'il a fait son observation au-dessus de la batterie d'artillerie, de retourner dans ses lignes, de prévenir son artillerie que l'artillerie française se trouve à tel endroit, et aussitôt la position est bombardée et les servants des pièces sont blessés ou tués. En outre, les canons sont peints d'une couleur, d'une peinture qui les rend malgré tout brillants. Ils brillent au soleil quand il y a le mouvement de recul du canon, et tout ça se repère très facilement évidemment quand on est dans un avion. Alors, il voudrait trouver une solution. Mais il se trouve qu'autour de ce monsieur Guirand de Sévola se trouvent quelques peintres, dont un qui est vraiment l'inventeur du camouflage, qui est un décorateur de théâtre et décorateur d'intérieur et peintre également. Il s'appelle Louis Guingot et il est originaire de Nancy. Et ce Louis Guingot va trouver les solutions. Il faut dire qu'il a une avance sur tout le monde. Il fabrique en fait la première veste camouflée de l'histoire mondiale. Il va demander qu'on lui fabrique une veste en tissu blanc et il va la barioler avec les teintes de la nature, des bruns, des ocres, des jaunes clairs, des verts, vous voyez, des teintes comme ça. Et il se base pour faire ses taches de couleur sur le pouvoir séparateur de l'œil humain qui distingue facilement deux couleurs et qui commence à voir la vue brouillée au bout de trois couleurs. Lorsque Guirand de Sévola voudrait trouver un moyen de se protéger des vues des avions allemands qui survolent sa position tous les jours, il a la chance d'avoir Guingot auprès de lui. Et Guingot lui dit, moi j'ai la solution, je suis décorateur de théâtre, j'ai de la toile et je vais vous apprendre à peindre ces toiles avec ces taches de couleur comme j'ai fait pour la veste. Et on va couvrir la position avec tous les canons en mettant ces toiles sur des piquets. Donc Cévola se dit qu'il a là une bonne idée. Enfin, c'est pas lui qui l'a eu, mais il se l'approprie. Et comme il est très mondain et qu'il connaît la terre entière, il va voir le président de la République, Raymond Poincaré. Il lui explique ce qu'il a imaginé avec les artistes qui étaient auprès de lui. Donc c'est vraiment un tout petit groupe d'artistes. Et le président Poincaré dit « Mais oui, c'est extrêmement intéressant. Je vais en parler au général en chef Joffre pour qu'il en parle à ses généraux d'armée. » Joffre n'est pas du tout convaincu. Les généraux sont assez sceptiques, sauf un seul, le général de Castelnau, qui dit « Moi, ça m'intéresse. » C'est Guirand de Cévola qui l'a recommandé au général de Castelnau, qui était à Toul et qui avait dit « Il y a une idée de génie, car on avait caché 6 fantassins avec des cagoules et des blouses camouflées du ton du feuillage, 6 fantassins armés à moins de 150 mètres de son poste de commandement. Et on a dit au général de Castelnau, vous allez chercher, il y a 6 soldats qui sont tout proches de vous et qui vous voient. Il en a trouvé 1 sur 6. Les autres étaient tellement bien cachés qu'on ne pouvait pas les découvrir. Il a dit, il y a une idée de génie, et c'est le général de Castelnau qui a eu l'idée de fonder une section de camouflage dans ce groupe d'armée d'Amiens, où j'ai été appelé, moi, vers la fin 1915. Alors, à partir de la création officielle de la section de camouflage en août 1915, on va rappeler du front tous les artistes que l'on peut repérer, qui pourraient, notamment les décorateurs de théâtre, ça, ils sont sélectionnés en premier. Il y en a qui ne sont pas dans l'artillerie, il y en a qui sont fantassins. Donc on va les rappeler du front, on va leur dire « vous rendez vos fusils et vous reprenez, si vous êtes peintre, vous reprenez vos pinceaux, si vous êtes sculpteur, vous reprenez vos ciseaux et vos maillets et on va vous occuper à des travaux très particuliers où vous aurez les bonnes compétences et vous aurez les bons gestes et les bons outils. » Et donc ces artistes vont apprendre à barioler les toiles selon les principes qu'avait établi Louis Guingot. J'ai quand même réussi à lister 240 artistes français qui ont été mobilisés pour des travaux de camouflage. Enfin, ce qui est formidable avec la section de camouflage, c'est que son étude nous permet de relativiser cette frontière que l'on présente souvent comme imperméable entre les académiques et les modernes. Et dans la section de camouflage, on s'aperçoit qu'en fait, les académiques et les modernes travaillaient ensemble, main dans la main, pour construire justement ces leurres et tous ces objets qui étaient fabriqués. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin des artistes académiques pour réaliser des leurres fidèles. Si un leurre n'est pas fidèle à la réalité, bah, il ne peut pas tromper l'ennemi. Et d'un autre côté, on avait besoin des artistes modernes pour réaliser des œuvres plus abstraites qui permettent justement de flouter en quelque sorte la présence, de dissimuler la présence par exemple d'un canon dans le paysage. Et tous ces artistes travaillaient ensemble. Et d'ailleurs, auparavant, ils fréquentaient aussi les mêmes salons artistiques. Donc il n'y avait pas une si grande... il y avait une porosité en fait dans ce monde artistique et ça se retrouve bien dans la section de camouflage, il n'y avait pas de rivalité entre ces artistes. Alors, Guirand Cévola écrit des souvenirs et s'il dit la vérité, hein, je pense que là il a été très efficace. Il connaissait Picasso et tous les artistes cubistes de Montmartre. Lui, ça n'était pas son esthétique, mais il comprenait très bien la démarche de ces artistes qui déstructurent les objets. Et lui, Cévola, se dit, cette esthétique pratiquée par les cubistes, c'est une chose qui pourrait nous rendre service. Donc il va demander à avoir auprès de lui un certain nombre d'artistes cubistes ou de sensibilités cubistes. Il n'en aura pas beaucoup. Il en aura une dizaine auprès de lui, des peintres et aussi des sculpteurs. Parce que, en fait, les cubistes sont très, très mal vus. Avant la guerre, ils ont un peu défrayé la chronique. Ils ont fait un peu scandale au Salon des arts décoratifs de 1912. On les accuse de détruire l'art, de faire de l'arboche. Enfin, vous voyez, ils n'ont vraiment pas une bonne cote à l'époque. Et l'armée n'en veut pas. Mais Cévola insistera, il en aura quand même un petit nombre. Mon escadrille était surtout une escadrille de photographie. Et c'est probablement mes expériences photographiques de ce moment qui m'ont amené au cinéma. Il y avait des batteries allemandes qui nous ennuyaient beaucoup et qui étaient très bien dissimulées, très bien camouflées. On n'arrivait pas à savoir où elles se trouvaient exactement. On avait pensé qu'on pourrait peut-être le découvrir par l'étude de photographies très précises. Pour avoir ces photographies très précises, je suis allé à Paris et on s'est fait faire, par Gaumont, une caméra, un appareil photographique pouvant contenir des plaques de presque un mètre carré. Jean Renoir, 1958. Et chaque fois qu'on partait, eh bien on vissait une plaque. Derrière, on mettait une plaque. Alors, là où on avait signalé la batterie possible, n'est-ce pas, on s'arrangeait pour aller tourner au-dessus des lignes allemandes, revenir, plonger sur cette batterie, et assez bas, enfin si on le pouvait, à 25 mètres, n'est-ce pas, on prenait la photographie, on rentrait, puis alors les gens développaient la photographie et les types d'état-major s'amusaient là-dessus. On se rend bien compte avec ces photographies aériennes que, par exemple, si l'on est en Champagne, les tonalités générales de l'environnement sont plutôt blanches, puisque c'est un secteur crayeux, et vert pâle. Si on est dans l'Argonne, ça va être plutôt des couleurs qui tirent sur le marron et le brun. Au Chemin des Dames, on est plutôt dans des teintes ocre jaune. Si on est dans les Vosges, c'est la forêt, c'est plutôt du vert foncé. Si on est dans le secteur de Verdun, c'est gris. La couleur dominante est le gris. Et voilà, chaque secteur a tout de même des tonalités générales. Donc, les badigeonnages, puisque ce sont des toiles qui vont servir, hein, on les envoie dans les secteurs qui les demandent et on va évidemment leur envoyer les toiles qui sont les plus adéquates. Hein. Et on va fabriquer aussi des leurres. Donc, on va fabriquer des faux canons, éventuellement des fausses locomotives, des faux avions en bois. On va peindre les bateaux. L'idée, c'est de peindre sur la coque du bateau des lignes et des couleurs qui vont déstructurer la forme réelle du bateau. En plus, le reste de la coque est peint avec des couleurs dont la largeur s'amenuise. Donc ça déstructure, on a l'impression d'un bateau qui est très court. En réalité, il est beaucoup plus long. Bon, et puis, il va y avoir des tas de propositions de peinture avec des ondes, par exemple, qui donnent l'idée d'un mouvement d'eau sur la coque du bateau. Donc, on ne sait plus très bien où est le bateau exactement, parce que ça va se confondre avec le mouvement des flots. On va proposer des tas de solutions. Et les Allemands, les sous-marins allemands, ont été extrêmement déstabilisés. Et il a fallu qu'ils créent une école pour habituer les sous-mariniers à se trouver confrontés à ce genre de situation. On va fabriquer aussi des mannequins de tranchées. Ce sont des bustes de soldats que l'on met sur un manche et que l'on sort un petit peu en dehors de la tranchée pour savoir si la tranchée d'en face est bien occupée. Quand on voit justement les sculpteurs comme Bouchard, comme Landowski, voilà, qui ont participé à ces sections, eh bien, c'est leur connaissance de la sculpture académique qui leur permettait justement de réaliser notamment des faux bustes, hein, des bustes en carton, carton, voyez, que l'on mettait au bout en fait d'une pique et qui permettait d'être passé au-dessus du parapet de la tranchée pour voir s'il y avait une réponse côté adverse. Alors, ça paraît un petit peu archaïque, mais malgré tout, ça fonctionnait. Il y a eu effectivement des fausses carcasses de chevaux. Là, moi, j'avoue que l'observateur qui se glissait à l'intérieur de cette carcasse, qui était obligé d'y rester toute la journée, ça devait pas être très agréable pour lui. Mais sur un champ de bataille, ça s'est fait peut-être plutôt au début des combats, quand la cavalerie était encore utilisée et qu'on a laissé beaucoup de cadavres de chevaux sur le terrain, on remplaçait ces vrais cadavres par des faux cadavres dans lesquels se glissaient des observateurs. Bon, on a imaginé aussi, alors ça c'était dans les tranchées, dans les parapets des tranchées, il y avait des guérites de tranchées qui étaient engagées dans les parapets des tranchées, qui débordaient légèrement de la tranchée. Donc, si vous voulez, c'était des caisses en bois blindées à l'intérieur dans lesquelles un observateur pouvait se tenir debout. Et au-dessus de cette guérite, il y avait une coupole sphérique qui était en métal, donc il fallait cacher pour qu'elle ne brille pas, mais qui pouvait pivoter et qui permettait, grâce à des jumelles ou des appareils d'optique, d'observer dans différentes directions, un petit peu au-dessus de la tranchée, donc un petit peu au-dessus du ras de la terre. Et puis il y a des sculpteurs français qui ont eu une idée extraordinaire. Ils ont fabriqué des faux cadavres de soldats. Vous imaginez un soldat qui tombe accroupi et la tête en avant. Eh bien, ils faisaient des faux cadavres dans cette attitude-là. Ils coiffaient les guérites de tranchées avec ces faux cadavres. Mais à l'intérieur, il y avait un observateur qui pouvait, depuis sa petite coupole d'observation, observer l'ennemi de cette manière-là. André Dunoyer de Ségonzac, 1972. Alors j'ai pu, par mon rôle d'observateur d'artillerie et surtout de constructeur d'observatoires pour les observateurs d'artillerie, j'ai pu construire des observatoires dans des arbres, dans des piliers d'église, dans des vieilles choses comme ça, des choses qui étaient devenues des imitations du réel. Alors le principe était le suivant. Cécile Coutin. Une fois qu'on avait repéré un arbre qui était particulièrement bien placé pour servir d'observatoire, on envoyait deux artistes camoufleurs qui risquaient beaucoup leur vie en faisant ce travail-là. Et il y a eu des blessés et des morts dans ce type de travail. Ils rampaient jusqu'au pied de l'arbre. Ils calculaient la circonférence de l'arbre, la largeur, la hauteur. Ils le dessinaient très précisément, en notant avec une boîte d'aquarelle sur un petit carnet les traces d'arrachement des branches, la couleur de l'écorce, enfin toutes les caractéristiques de l'arbre. Mais ils devaient surtout représenter l'arbre du côté où le voyait l'ennemi. Donc ils contournaient l'arbre et ils le dessinaient de la même manière, tel que les Allemands le voyaient. Après, ils rentraient toujours en rampant, ils regagnaient la tranchée. Ils rentraient dans les ateliers de camouflage où, en une dizaine de jours, on fabriquait un sosie parfait de l'arbre que l'on avait dessiné. Nous prenions toujours des arbres qui étaient presque tous décapités par des obus. Il n'y avait plus de branches, c'était simplement un tronc d'arbre. Alors, on faisait une imitation de l'écorce sur de la tôle repoussée qui enveloppait le blindage, à l'intérieur duquel il y avait une espèce de petit escalier, et j'en ai fait un arbre, moi, de 9 mètres de haut, à moins de 100 mètres de l'ennemi, sur la route de Maricourt qui allait sur Péronne. Toute l'artillerie venait régler, aussi bien l'artillerie de campagne que l'artillerie lourde. Ces arbres blindés étaient des observatoires extrêmement précieux, très proches, on copiait l'arbre, ils étaient remplacés pendant la nuit, n'est-ce pas ? Et une fois qu'on était sûr du résultat, on démontait tout, et on transportait tout sur les lieux du travail. Alors, on avait demandé en général aux soldats qui étaient dans le secteur de cet arbre de creuser discrètement un boyau jusqu'au pied de l'arbre à remplacer. On transportait dans le boyau l'arbre factice en pièces détachées. On le remontait pièce par pièce dans le boyau. On choisissait une nuit sans lune. On demandait à l'artillerie française de tirer à gauche et à droite, un petit peu loin, pour attirer l'attention de l'ennemi ailleurs. Et alors, à la nuit, on faisait monter avec des palans l'arbre à la place de sa copie, on supprimait l'autre arbre qu'on cachait sous des toiles camouflées, et le paysage n'avait pas changé. Et le lendemain matin, le paysage était exactement le même. L'arbre était 2 mètres plus en arrière, mais ça joue pas beaucoup sur les calculs. Et à l'intérieur, il y avait tout en haut un observateur qui, à travers une petite fente, regardait ce qui se passait du côté ennemi. Et en bas, il y avait un téléphoniste qui transmettait à l'artillerie, ce qui fait que l'artillerie pouvait tirer efficacement. C'est pas toujours évident justement de mesurer en fait l'esthétique de ces œuvres, justement parce qu'elles n'existent plus. Claire Mengon. Il faut dire qu'on n'a pas énormément de traces de ce qui a pu être réalisé. On a très très peu d'objets qui nous sont parvenus de cette section de camouflage. Alors, en ce qui concerne le cubisme, il y a un peu tout un mythe sur la présence du cubisme dans la Grande Guerre. Ce cubisme est quand même incarné notamment par la présence d'André Marre, hein, qui a fait partie de cette section de camouflage et qui d'ailleurs a été surtout cubiste pendant la Grande Guerre, curieusement. D'autres artistes ont voulu intégrer cette section, je pense à Fernand Léger en particulier, qui est très associé à l'aventure cubiste. Il voulait faire partie de la section, notamment parce que son copain y était, André Marre. André Marre, en fait, ils sont originaires de la même ville, ils ont fait leurs études ensemble, à Argentan, en Normandie. Et donc, il voulait faire partie de cette espèce d'élite, en quelque sorte. C'est souvent raconté dans les témoignages. Être un camoufleur, c'est quelque chose de prestigieux, d'héroïque. D'ailleurs, les soldats revenaient à Paris avec leur fameux brassard où ils portaient le caméléon. C'est pour ça qu'on les appelait la section des caméléons. Et naturellement, ils avaient quand même une vie non pas moins difficile qu'un soldat classique, mais tout de même, ils avaient des temps de repos, ils revenaient plus souvent dans la capitale, donc ce qui leur permettait de garder quand même une vie plus normale. Mais c'est beau ça! C'est mon frère qui l'a fait. Je lui cherche un travail justement. Ah, tout le monde alors, hein? C'est le moulin de Farny, ça? C'est ça, mon commandant. Avec le chapeau de gendarme. Juillet 16. 1er juillet. Sale coin. Sale coin. Un vrai artiste, non? Moi, j'ai rien pour lui. Mercado, vous connaissez? Le sculpteur? Ah oui. Je le vois tout à l'heure, je lui parlais de vous. Quand ils reviennent, en fait, de la guerre, ils vont, en fait, très vite se raccrocher à la carrière officielle. Parce qu'il y a une véritable crise économique en France après la Première Guerre mondiale. Et donc, beaucoup d'artistes se retrouvent sans moyens financiers. Ça fait partie des professions qui ont du mal à vivre quand la crise est là. Pour Henri Bouchard, en fait, fait partie donc, de ces sculpteurs académiques qui ont fait la section de camouflage. Et donc, Bouchard, en fait, va typiquement se mettre dans le marché du monument commémoratif, qui est un marché qui a fait vivre énormément de statuaires après la Première Guerre mondiale, notamment Landowski aussi, ou Maxime Réal d'Elsarte, qui est un autre sculpteur qui a été mutilé de guerre et qui a vécu de ses monuments aux morts après la Première Guerre mondiale. Et donc Landowski, d'ailleurs, disait « c'est une véritable manne pour les statuaires, parce que ça va nous faire vivre ». Et donc Henri Bouchard a contribué notamment, effectivement, à cette déferlante de monuments aux morts qui va couvrir la France au moins jusque dans les années 30. Les artistes, c'est maîtres de la dissimulation. Avec Cécile Coutin, Claire Mingon et Thomas Seignan. Extrait du film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. Archivina Marine de Cans. Documentation Anne-Lise Signoret. Prise de son Jean-André Giannichini. Mixage Alain Joubert. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck. À la longue des humeurs, je m'allonge dans un leurre. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler carnet et journal intime. Mais c'est une autre histoire.